continuer, inshallah, donc les cours sur les principes du takfir. On est au septième cours. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nous allons voir donc la troisième, maintenant nous allons voir en détail la troisième entrave, le troisième empêchement du takfir du musulman. Le troisième empêchement de l'apostasie du musulman. Nous avons déjà vu les deux premiers empêchements, l'ignorance et l'erreur de compréhension. L'ignorance et la mauvaise compréhension. La mauvaise compréhension, est-ce que vous savez un peu dire, si vous vous souvenez un peu, c'était quoi la définition de la mauvaise compréhension et c'est quoi la mauvaise compréhension? Compréhension, on avait eu le ta'wil, c'est le fait de donner une interprétation à un texte, c'est-à-dire lui donner un sens qui n'est pas celui qu'Allah Azza wa Jalla et son messager ont voulu. Par exemple, comprendre d'un texte, par exemple, quand Allah Azza wa Jalla interdit une chose, eh bien, penser qu'un texte, un autre texte, le rend permis, par exemple, ou bien autorise cette chose, ou penser, par exemple, que, sur base d'une mauvaise compréhension, que ce texte a été abrogé, ou que ce texte est un hadith faible ou autre, ce qui amène la personne à contredire une chose qui a été unanimement affirmée par les musulmans. Et ceci, donc, après, ceci, lorsque cela ne mène pas la personne à adorer un autre qu'Allah, Azza wa Jal, cela ne fait pas sortir de l'islam jusqu'à ce que la preuve soit expliquée à la personne et que son ambiguïté ait cessé. Donc maintenant nous allons voir l'erreur, l'empêchement de l'erreur. Donc l'erreur est parmi les choses, les éléments qui empêchent le takfir. Et l'erreur, ce qu'on veut dire en arabe al-khata, c'est ce qui provoque un acte involontaire ou ce qui provoque le glissement de la langue qui alors prononce quelque chose, un mot que l'individu ne voulait pas prononcer. Et ceci peut avoir deux cas de figure. Soit prononcer une parole ou commettre un acte par accident et sans l'avoir fait exprès du tout à la base. Soit, deuxièmement, prononcer une parole ou commettre un acte exprès mais en étant convaincu que cet acte ou cette parole signifie autre chose que ce que ça signifie en réalité. J'explique. Par exemple, le premier cas, c'est donc la personne qui commet quelque chose par accident, c'est-à-dire que l'individu ne voulait même pas commettre l'acte en soi. Par exemple, quelqu'un qui tient un Coran dans sa main, et le Coran glisse de la main de la personne, et elle tombe par terre, ou elle tombe dans la boue, ou le Coran par exemple tombe par terre dans la boue ou autre. Donc cette personne a fait tomber le Coran dans la boue par exemple, mais sans l'avoir fait exprès. Il n'a pas voulu commettre l'acte, il l'a pas fait exprès, c'est pas lui qui a voulu que ça tombe. Et le deuxième cas, c'est donc celui qui commet quelque chose qui est une mécréance à cause qu'il a mal conçu ou qu'il a mal remarqué la réalité de la situation. Par exemple, quelqu'un qui jette volontairement des feuilles à la poubelle. Il voit un tas de feuilles et volontairement il les jette à la poubelle, mais sans avoir remarqué que dans le tas de feuilles, il y a des pages du Coran. Donc la réalité de cet acte, c'est que cet individu, il a jeté des pages du Coran à la poubelle. Et à la base, jeter des pages du Coran à la poubelle, c'est du kufr, parce que, et cela annule le fondement de l'islam, parce que le fondement de l'islam consiste à vénérer le Coran et à honorer le Coran, et le jeter à la poubelle est une preuve catégorique et formelle de mépris du Coran. Mais cette personne-là, même s'il a jeté du Coran à la poubelle, qui en principe est une cause d'apostasie, cette cause d'apostasie n'aura aucun effet sur lui. Pourquoi ? Parce que ce dernier, il ignore qu'il est en train de jeter des pages du Coran. Il pense qu'il est en train de jeter un tas de papier, il n'a pas remarqué qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ça, c'est donc aussi le cas où l'erreur empêche le takfir. Et dans les deux cas de figure, donc soit celui qui par accident fait un acte par accident et involontairement, soit celui qui fait exprès un acte sans avoir remarqué ce qu'était réellement cet acte, dans les deux cas de figure, cette erreur, c'est ce qu'on appelle une erreur. Dans les deux cas de figure, ces deux cas de figure sont une erreur, et cette erreur empêche l'apostasie, car elle empêche l'acte d'être intentionnel. Or, c'est une condition d'apostasie que l'acte soit intentionnel, comme on l'avait vu. Par contre, et c'est une remarque très importante, lorsque quelqu'un jette exprès des pages du Coran dans la poubelle, en ayant conscience que c'est des pages du Coran qu'il est en train de jeter, et sans qu'il n'ait été contraint, alors là, c'est un apostat sans aucun doute. Aucun doute n'est permis à ce sujet. Et s'il ignore qu'en faisant ça, il sort de l'islam, ça, ça ne change rien du tout à son cas. Il est apostat car il jette des pages du Coran dans la poubelle pour exprès. C'est pour ça qu'il est apostat. C'est pas parce qu'il sait qu'il est apostat ou qu'il ne le sait pas. Ça n'a rien à voir avec est-ce qu'il sait qu'il sort de l'islam ou pas. La raison pour laquelle il devient apostat, c'est parce qu'il a jeté exprès des pages du Coran à la poubelle en connaissance de cause. Donc, celui qui fait ça, il ne peut que mépriser le Coran, c'est impossible autrement. Et ceci ne peut provenir que d'un mécréant, et cette remarque est valable pour toute cause d'apostasie, que ce soit jeter le Coran à la poubelle ou toute cause d'apostasie. Mais par contre, si jamais donc la personne fait un acte soit par accident, soit fait un acte sans savoir réellement ce qui est en train de se passer, ce qu'il est réellement en train de faire, et qu'il pense qu'il est en train de faire autre chose que ce qu'il est en train de faire, alors ceci empêche l'apostasie, et les preuves de cela sont les versets suivants où Allah Azza wa Jalla a dit dans sourate 2 verset 286 Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, c'est-à-dire ô notre Seigneur, ne nous punis pas s'il nous arrive d'oublier ou de nous tromper. Sourate 2 verset 286. Et Allah a dit dans sourate 33 verset 5 nul blâme sur vous pour ce que vous avez fait par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Ainsi que le hadith rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah est plus heureux lorsque l'un de ses serviteurs se repentit que n'est heureux celui qui retrouve sa monture dans le désert alors qu'elle s'était enfuie et qu'il attendait la mort. Il dit alors ô Allah, lorsqu'il retrouve sa monture, il dit ô Allah, je suis ton maître et tu es mon serviteur. Il s'est trompé à cause de sa grande joie. Fin du hadith. Donc c'est-à-dire cet homme, il voulait dire le contraire de ce qu'il a dit, mais sa langue s'est emmêlée. Il a donc dit ça par accident. Et Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 12, page 466. وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزول ذلك عنه بشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. Il n'appartient à personne de traiter un seul musulman de mécréant même si ce dernier s'est trompé ou qu'il a commis une erreur jusqu'à ce que la preuve lui soit présentée et qu'il ait compris l'argumentation. Et lorsque l'islam d'une personne est confirmé avec certitude, on ne peut le lui nier que sur base d'une certitude, et même son islam ne cesse qu'après que la preuve lui, et de même, pardon, son islam ne cesse qu'après que la preuve lui soit présentée et que son ambiguïté ait cessé. Ibn al-Qayyim dit dans I'lam al-Muqi'in, volume 3, page 105, وَلَمْ يُرَتَّبْ تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحد بها علما بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو مكرهة أو غير عالم أو غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه فإذا اجتمعت القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم هذه قاعدة الشريعة وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته. C'est-à-dire, Ibn al-Khayyim dit: Allah découlait ses statuts en fonction de ce qui se trouve dans les âmes uniquement, sans être exprimé par un acte ou une parole, ni en fonction de simples mots, lorsqu'on sait que celui qui les a prononcés ne visait pas leur signification ou ne la connaissait pas. Au contraire, il est pardonné pour cette. Au contraire, Allah a pardonné à cette communauté ce qui se passe en leurs âmes, sans le mettre en pratique ni sans le prononcer, et il a pardonné ce qu'ils prononcent par erreur ou par oubli, ou par contrainte ou sans le savoir, lorsque l'âme ne visait pas le sens de ce qu'elle a prononcé ou ce qui n'est pas intentionnel. C'est lorsque sont réunies l'intention et la signification de la parole ou de l'acte que le statut en découle. Et ceci est un principe légal qui est l'effet de la justice d'Allah, sa sagesse et sa miséricorde. Et elle dit aussi dans le même volume, page 63, لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر. C'est-à-dire, celui qui prononce une parole de mécréance sans en connaître la signification, il ne devient pas mécréant. On peut donner un exemple contemporain, par exemple, à ce sujet. Signer un contrat contenant des clauses de mécréance est une mécréance, car la signature exprime l'acceptation du contrat. D'accord ? Donc lorsqu'on signe un contrat qui contient des clauses de mécréance, ceci est une mécréance, car la signature exprime l'acceptation du contrat. Le fait d'accepter une mécréance, c'est une mécréance. Par contre, si une personne signe un contrat sans avoir remarqué ce qu'il y avait en condition dedans, sans avoir fait attention à ça, et qu'il a donc signé sans savoir exactement ce qu'il signait, celui-ci ne peut être déclaré apostat, car il ne sait pas à quoi il a montré son accord. Et dans une autre hypothèse où, par exemple, quelqu'un ignore ce que signifie la signature, et qu'il pense que la signature, ça signifie uniquement qu'on a lu le contrat, et qu'il ignore que quand on signe, ça veut dire « je suis d'accord avec le contrat ». Et il pensait vraiment, et sans jouer et sans chipoter, on ne parle pas de celui qui sait que ça veut dire ça, mais qu'il essaye de trouver un vice. Nous, on parle de celui qui vraiment, il pense que signer un papier, ça veut dire « je l'ai lu ». J'ai lu le papier, même sans l'accepter. Et qu'il signe, celui-là sera excusé car il a ignoré la signification de son acte. Et il pensait que son acte signifiait autre chose que ce qu'il signifie en réalité. Par contre, s'il savait que la signature signifie l'acceptation, mais que malgré ça, il signe, en refusant dans son cœur ses clauses et en pensant que la nécessité lui permet de faire semblant d'accepter, celui-là, il n'est pas excusé, il est mécréant, car il a montré son accord avec la mécréance et il n'est pas ici concerné par l'excuse de l'erreur. Et lorsque nous disons que l'intention, et ça c'est une remarque très importante, lorsque nous disons que l'intention est une condition d'apostasie, nous parlons de l'intention de l'acte et non pas de l'intention de sortir de l'islam. Et c'est une différence très importante à savoir faire. Avoir l'intention de l'acte, c'est-à-dire faire exprès de faire cet acte et non pas le faire par accident. C'est ça que ça veut dire. Celui qui fait l'acte non pas par accident mais exprès, celui-là, il a eu l'intention de faire son acte. Par contre, lorsque les Murji'a contemporains, eux, ils disent que l'intention est une condition d'apostasie, ce qu'ils entendent par l'intention, c'est l'intention de sortir de la religion et non pas l'intention de l'acte. En d'autres termes, pour les Murji'a, celui qui insulte Allah exprès, il n'est mécréant que s'il avait l'intention par cette insulte de rabaisser Allah et de le renier. Par contre, s'il l'a insulté par frivolité à cause qu'il est mal éduqué, alors là il n'est pas mécréant d'après eux, car il n'a pas eu l'intention en insultant Allah de renier Allah et de le rabaisser. Et ceci est une mécréance évidemment, c'est une mécréance même évidente et c'est un égarement manifeste. Celui qui insulte Allah exprès sans y être contraint est un apostat à l'unanimité des musulmans, toutes tendances confondues parmi les musulmans considèrent que celui qui insulte Allah exprès sans y être contraint est un apostat. Et Ibn Taymiyyah a dit dans Sarim al-Masloul, page 177-178, فَمَنْ قَالَ أَوْ فَعَلَ مَا هُوَ كُفْرٌ كَفَرَ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا إِذْ لَا يَقْصِدَ الْكُفْرُ أَحَدٌ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. C'est-à-dire, celui qui dit ou qui fait ce qui est une mécréance, il devient mécréant par cela, même s'il n'avait pas l'intention d'être un mécréant, vu que personne n'a l'intention d'être un mécréant, sauf ceux qu'Allah veut. sauf si Allah le veut. Et nous profitons de ce sujet pour exposer le cas des savants, on va dire plutôt ici les savants du sultan, c'est-à-dire les savants qui protègent les tawarites, qui gouvernent par les lois des hommes et qui abolissent certaines lois d'Allah, voire toutes les lois d'Allah, ou qui imposent le recours à la loi du tawhout, ou encore qui élaborent des codes et des systèmes tawhout. Il faut savoir que tous les savants, et les non-savants, mais les savants à plus forte raison, qui savent ce que font ces dirigeants, et qui malgré cela considèrent que ces dirigeants doivent être protégés de ceux qui les jugent apostats, et prétendent que ceux qui les jugent apostats sont des khawarij qui doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils se soumettent à l'autorité du dirigeant, ces savants-là sont des apostats, même s'ils pensent que ce que font les dirigeants n'est pas de la mécréance majeure, mais uniquement du kufr, duna kufr et des grands péchés. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que on dit ça ? Parce qu'à partir du moment où ils constatent leur agissement, qui, en réalité, sont du shirk, mais que malgré cela, ils considèrent que l'agissement de ces dirigeants est moins mauvais que celui de ceux qui ne commettent pas ce shirk, alors cela nous prouve que ceux-là n'ont pas désavoué les agissements de cette tawarite et qu'ils n'ont pas eu foi en l'agissement des monothéistes. Qu'ils préfèrent le shirk des tawarites au tawhid des musulmans qu'ils traitent de khawarij. C'est pourquoi toute personne ayant connaissance de la réalité de la situation de ses dirigeants et malgré ça, ils considèrent ses dirigeants comme étant des monothéistes meilleurs que les vrais monothéistes, donc ceux qu'ils traitent de khawarij, ceux-là ils n'ont pas eu foi en l'islam et ils n'ont pas désavoué le shirk. Et Allah Azza wa Jalla a dit: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. C'est-à-dire, n'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une part du livre et qui ont foi, qui prêtent foi au jibt et au tarout? Le jibt, c'est la sorcellerie, et le tarout ici, c'est Ka'b ibn al-Ashraf, Afwan, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, Afwan, qui ont foi donc au jibt et au tarout, et qui disent aux mécréants, ceux-là sont mieux guidés que les croyants. Ce verset a été révélé sur Ka'b ibn al-Ashraf, lorsque les mushrikoun ont demandé à Ka'b ibn al-Ashraf, qui est-ce qui est mieux entre nous et Mohammed? Et Ka'b ibn al-Ashraf lui a dit, mais qui êtes-vous et qui est Mohammed? Et il a dit, Mushrik a dit, nous sommes des gens qui honorons les pèlerins, qui faisons, bref, il a mentionné des choses qu'il faisait, puis il a dit, quant à ceux-là, les monothéistes, là, enfin les musulmans, là, ils ont divisé entre les pères et les fils, et ils insultent notre religion, etc. Ka'b ibn al-Ashraf lui a dit alors, et c'était un rabbin juif, et qui savait très bien pertinemment que le tawhid de Mohammed était meilleur que le shirk des mushrikoun, il lui a dit, vous êtes mieux guidés que les musulmans. Eh bien, ces savants du mal sont sans conteste concernés par cela, c'est-à-dire, on leur demande de choisir qui est-ce qui est le mieux guidé, ceux qui combattent les tawarites, ceux qui combattent les gouverneurs, ou bien les gouverneurs? Qui est-ce qui mérite le plus d'être combattu, ceux qui combattent les gouverneurs ou les gouverneurs? Et ils vous disent, ce sont ceux qui combattent les gouverneurs qui méritent le plus d'être combattus. Ce sont ceux qui combattent les gouverneurs qui méritent le plus d'être combattus, et ce sont les gouverneurs qui méritent le plus d'être protégés, d'être préservés, d'être honorés. Il est où? Elle est où ici la foi en l'islam? Et il est où ici le rejet de ces tawarites? Donc l'erreur et la mauvaise compréhension n'est pas une excuse pour ces savants-là, car ils ont soutenu les mécréants contre les musulmans en connaissance de cause, même s'ils pensaient bien faire. Les points à retenir, c'est que l'erreur est un empêchement d'apostasie qui ne concerne que le musulman monothéiste, que l'erreur est un empêchement d'apostasie en ce qui concerne le fait de commettre l'acte ou de prononcer la parole par erreur, c'est-à-dire sans faire exprès. Aussi, celui qui dit une parole qu'il ne comprend pas, ou alors qu'il pensait que cette parole signifiait quelque chose alors qu'en réalité elle signifie autre chose, il n'est pas jugé pour ce qu'il a dit ou pour ce qu'il a fait. Il n'aura pas le statut de ce qu'il a dit, même si ce qu'il a dit est une mécréance, s'il pensait que ce qu'il a dit ne signifie autre chose, qu'il n'a pas compris ce que ça voulait dire ce qu'il a dit, il n'est pas jugé pour ce qu'il a dit. Et celui qui prononce une parole ou commet un acte exprès et consciemment, il sera jugé pour cela même s'il visait un objectif autre que l'apostasie. Par exemple, celui qui se prosterne devant une idole, en sachant que se prosterner devant cette idole, ça signifie montrer que tu adores cette idole, mais qui dit, dans mon cœur, moi je veux me prosterner pour Allah, mais si je le fais, c'est juste pour me faire bien voir de ces gens-là, parce que si jamais je me fais mal voir par eux, genre il y aurait quelque chose de mon dunya que j'aurais pas, pour une raison quelconque, pour de l'argent, pour obtenir un poste ou pour obtenir un certain niveau dans la société ou autre, il fait ce genre de choses là en disant je fais ce shirk dans l'apparence mais dans mon cœur j'ai l'intention de faire autre chose. Celui-là il n'est pas excusé parce qu'il connaît la signification de son acte. Il connaît la signification de son acte et malgré ça il le fait. Voici ce qu'on peut dire donc pour l'erreur. Et nous passons, Inch'Allah, directement à la contrainte, qui est le dernier empêchement du takfir. Le dernier empêchement d'apostasie, c'est la contrainte. En arabe, al-ikrah. C'est un empêchement d'apostasie, car lorsqu'une personne est contrainte à faire quelque chose, elle ne le fait pas de son plein gré, ni volontairement. Et parmi les conditions du takfir, il y a qu'on soit volontaire, qu'on fasse ses actes volontairement et de son plein gré. Et la preuve que la contrainte empêche l'apostasie de l'islam, c'est le verset Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ufa wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allahi wa lahum azabun azim. Sourate 16, verset 106. C'est-à-dire, quiconque mécroit en Allah après avoir eu la foi, sauf celui qui y est contraint alors que son cœur est rassuré sur la foi, mais quiconque ouvre son cœur avec la mécréance, il aura sur lui la colère d'Allah et sur lui un grand châtiment. Les juristes et les savants ne considèrent la présence de contraintes que lorsque les conditions suivantes sont réunies. Il y a 6 conditions. La première, c'est que la menace du contraignant, donc celui qui menace de sa contrainte, que la menace du contraignant soit une chose qu'il est impossible pour le contraint de supporter. Par exemple, la torture ou la douleur vraiment sévère, comme le fait qu'on t'ampute certains membres du corps, ou qu'on te dissèque, ou bien qu'on te découpe, etc. Ou les brûlures avec du feu ou autre, ou la mort, ces choses-là, ce sont des choses qui sont impossibles à supporter pour l'être humain. Par contre, le fait qu'on te prive de nourriture à part de l'eau ou du pain et des choses comme ça, ça c'est pas des contraintes. Ou bien le fait qu'on te menace d'expulsion de ta maison, ou qu'on te menace d'être renvoyé du travail, ou de ne plus avoir de revenus financiers, etc. Ceci ne sont pas des choses qui sont impossibles à supporter. Ce ne sont pas des choses qui sont impossibles à supporter. Deuxième condition, c'est que le contraignant soit capable d'exécuter sa menace. Mais si jamais ça vient de quelqu'un qui n'est pas capable à la base de mettre en application ce qu'il menace, ce n'est pas une contrainte. Troisièmement, que le contraint soit incapable d'écarter la menace, même par la fuite. C'est-à-dire, pour que la contrainte soit valable, il faut que toi, tu ne sois pas capable de t'enfuir. Tu n'es pas capable d'y échapper. Mais si tu es capable d'y échapper, en t'enfuyant ou même en te défendant ou autre, ici il n'y a pas de contrainte. Quatrième, c'est que le contraint pense réellement que la menace va lui être appliquée s'il refuse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un réel risque que la menace va lui être appliquée s'il refuse. Cinquièmement, c'est que le contraint ne montre aucun signe de persistance en disant ou en faisant plus que ce qu'on lui a demandé de faire pour éviter la menace. Si par exemple on lui demande, sous la contrainte, on le force à dire « je ne suis plus musulman » et qu'en plus de ça, il dit « et Allah, j'en ai… » et bref, il insulte Allah en plus de ça, En plus de, alors qu'on lui avait juste demandé de dire, je dis, je ne suis plus musulman, et que lui il dit encore plus que ça, là il n'aura pas fait cela sous la contrainte. Ce ne sera pas considéré comme une contrainte, parce qu'il aura fait plus qu'on lui a demandé, sans qu'on l'y ait forcé. Sixièmement, il faut que, la sixième et dernière condition, c'est que celui qui a été contraint à faire de la mécréance sous la contrainte, donc, il est obligé de remanifester son islam dès que la contrainte est levée. Sinon, s'il continue à montrer de la mécréance même lorsqu'il n'est plus contraint, il sera jugé mécréant, car on considérera que s'il y a même après qu'il est plus contraint, il continue à montrer sa mécréance, c'est que lorsqu'il a mécru sous la contrainte, il l'a fait avec le cœur aussi. La condition, c'est de rester aussi musulman, donc être serein dans son cœur. Et d'être serein sur la foi dans son cœur. Ibn Qudama al-Maqdisi a dit dans Al-Mughni, volume 19, page 492, فَمَتَا زَالَ عَنْهُ الْإِكْرَاهُ أُمِرَ بِإِظْهَارِ إِسْلَامِهِ فَإِنْ أَظْهَرَهُ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى إِسْلَامِهِ وَإِنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ حُكِمَ أَنَّهُ كَفَرَ مِنْ حِينِ نَطَقَ بِهِ لِأَنَّنَا تَبَيَّنَّا بِذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ بِالْكُفْرِ مِنْ حِينِ نَطَقَ بِهِ مختارا له وإن قامت عليه بينة أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوسا عند الكفار ومقيدا عندهم في حالة خوف لم يحكم بردته لأن ذلك ظاهر في الإكراه وإن شهدت أنه كان آمنا حال نطقه به حكم بردته. Dès que la condition, c'est-à-dire en français, dès que la contrainte cesse, il est tenu de remanifester son islam. S'il le remanifeste, il n'aura alors pas cessé d'être musulman. Mais s'il continue à manifester la mécréance, alors on considérera qu'il est mécréant depuis le moment où il a prononcé la mécréance. Car ceci nous prouve que lorsque il prononça cette mécréance, il le fit de son cœur et volontairement. Et si une preuve est apportée comme quoi il a prononcé une parole de mécréance alors qu'il était captif chez les mécréants ou enchaîné chez eux en situation de peur, son apostasie ne sera pas décrétée car il y a apparemment contrainte. Mais si on témoigne qu'il était en sécurité lorsqu'il a prononcé la mécréance, il sera jugé apostat. Nous noterons aussi que lorsqu'une personne est contrainte de devenir mécréant et de le rester ainsi jusqu'à sa mort, ici il n'est pas permis de céder, comme l'ont expliqué certains gens de science. Et le fait de perdre sa maison, son argent, son travail, sa voiture ou quoi que ce soit de mondain, de dunya, n'est pas considéré comme une contrainte, car Allah Azzawajal a dit « Man kafara billahi min ba'di imanihi » إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. C'est-à-dire, quiconque mécroit en Allah après avoir cru sauf celui qui a été contraint alors que son cœur est rassuré sur la foi, mais quiconque ouvre son cœur à la mécréance a sur lui la colère d'Allah et sur lui un grand châtiment. Ceci car ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà et qu'Allah ne guide pas les gens mécréants. Sourate 16, versets 106 et 107. Ce verset prouve donc que lorsqu'une personne mécroit en Allah sans y avoir été contraint avec le cœur rassuré sur la foi, alors c'est un mécréant car il a préféré la vie de ce bas monde, il a préféré ce bas monde à l'au-delà. Et ce bas monde désigne tous les biens mondains, aucun d'entre eux n'est donc une excuse pour apostasier. Allah a dit dis si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, la négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le chantier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Sourate 9, verset 24. Dans ce verset, Allah a clairement stipulé toutes les choses qui ne sont pas une excuse pour désobéir à Allah et son messager. Et ce verset parle ici au sujet du djihad. Il n'est pas permis d'abandonner le djihad pour ces choses-là, alors que dire d'abandonner le tawhid pour ces choses-là. Règle, quiconque commet un acte d'apostasie dans le but de ne pas perdre un bien mondain, il a préféré son bien à l'islam. Ça, c'est une règle à retenir très importante. Toute personne, en règle générale, qui fait ce qui est une mécréance majeure dans le but de gagner quelque chose de ce bas monde, il est mécréant pour avoir préféré ce bas monde à sa foi. Donc les points à retenir, c'est que la contrainte est la seule chose qui permet aux musulmans de faire semblant d'adorer un autre qu'Allah. La contrainte est la seule chose qui permet aux musulmans de faire semblant d'adorer un autre qu'Allah ou de faire semblant de mécroire en Allah. Deuxièmement, la contrainte n'existe que lorsqu'il y a une menace sérieuse de mort ou sous la torture. Troisièmement, la menace en l'air n'est pas une contrainte. Quatrièmement, la contrainte n'est prise en compte que s'il est impossible d'y échapper. Cinquièmement, perdre ses biens mondains n'est pas une contrainte. Et sixièmement, commettre la grande mécréance sans y être contraint n'empêche pas l'apostasie. Et nous avons ici fini avec les détails sur les conditions, sur les empêchements du takfir. Et nous allons mentionner les fausses conditions et les faux empêchements du takfir qui ont été inventés. Nous allons juste les citer brièvement et nous n'allons pas ici répliquer ceci, nous n'allons pas détailler ces points-là, nous allons juste les mentionner. Donc les murjia contemporains et les djihadistes, quand je dis les djihadistes, je parle donc de ceux qui placent le djihad avant le tawhid, c'est-à-dire que ils basent donc leur religion sur la guerre et pas sur le tawhid d'Allah. C'est pourquoi tu les vois se battre même avec des gens qui ne sont pas musulmans pour défendre leur cause et qui appellent à soutenir des gens qui s'allient à leur cause. C'est de cela que je parle quand je dis les djihadistes. Donc c'est-à-dire que ce sont ceux qui s'allient avec les démocrates, avec les laïcs, avec les adorateurs de tombeaux, avec les rawafid. Le seul critère d'alliance pour eux, c'est la guerre contre les Américains et les Juifs. C'est cela que j'entends par djihadiste. Tout comme on entend par tabliri ceux qui basent toute leur religion sur le fait de transmettre, même si tu n'as pas d'ilm. Tout comme lorsqu'on entend par takfiri, bien que ce terme reste encore à savoir s'il est confirmable ou non, on entend ceux qui basent leur religion sur le takfir uniquement ou autre. Ça ne veut pas dire par là que je trouve que le djihad ne fait pas partie de la religion, pas plus que lorsque je dis que quelqu'un est un tabliri, ça ne veut pas dire que je ne considère pas que le tablir fait partie de la religion. C'est juste que je souligne, je donne ce nom, comme d'autres avant moi l'ont fait, à ce genre de personnes, car c'est cette partie du din sur lequel ils ont fondé leur religion. Donc les murji'a contemporains, les djihadistes et d'autres d'ailleurs, ont inventé dans la religion d'Allah une série de conditions et d'empêchements d'apostasie qui ne trouvent aucun argument dans le Coran ni dans la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Parmi les empêchements inventés, la peur. D'après eux, celui qui commet la mécréance par peur, c'est-à-dire par peur moindre que la contrainte, par peur de perdre quelque chose de dunya ou par peur de par peur de quelqu'un ou de perdre quelque chose qui lui est cher, s'il fait la mécréance pour cela, il reste musulman. Deuxième invention, c'est le fait de croire en l'interdiction de l'acte commis, c'est-à-dire celui qui fait de la mécréance en reconnaissant avoir tort de le commettre, soi-disant celui-là il n'est pas mécréant. C'est aussi un empêchement inventé. Troisièmement, ne pas avoir l'intention de sortir de l'islam en commettant de la mécréance exprès. Ça aussi c'est un empêchement inventé. Quatrièmement, ne pas penser vraiment ce qu'on dit, le fait de dire quelque chose pour plaisanter, de dire de la mécréance pour plaisanter sans penser vraiment que ce qu'on dit est vrai, serait soi-disant un empêchement d'apostasie pour ces gens-là. Cinquièmement, et ça c'est un des plus grands empêchements des gouverneurs, c'est un des plus grands empêchements des murji'a, c'est le fait d'être un gouverneur ou d'être un savant. Ceci serait, soi-disant, un empêchement du takfir. Et pour les djihadistes, le fait d'être un combattant, c'est aussi un empêchement du takfir. C'est-à-dire que pour eux, lorsqu'on est un gouverneur, un savant ou un mujahid, on ne peut en aucun cas apostager, c'est pas possible. Sixièmement, la mauvaise éducation. D'après les Murji'a, le fait d'être mal éduqué, c'est un empêchement d'apostasie. Septièmement, l'intérêt de la communauté, c'est-à-dire pour ces gens-là, si jamais on peut, quand on fait de la mécréance, cela va être dans l'intérêt de la communauté, ça va apporter du bien à la communauté, alors, soi-disant, cela empêcherait de sortir de l'islam. Huitièmement, et ceci est un empêchement du takfir inventé que les Murji'a utilisent beaucoup aujourd'hui, c'est le silence des savants, c'est-à-dire si aucun savant n'a décrété l'apostasie de quelqu'un, alors personne ne peut le faire, quoi qu'ait fait la personne. Neuvièmement, la bonne intention, c'est-à-dire, soi-disant, quelqu'un qui fait de la mécréance par bonne intention, il ne sortirait pas de l'islam, soi-disant. Dixièmement, parmi les empêchements inventés, le fait que beaucoup de gens soient concernés par une cause d'apostasie, c'est-à-dire que lorsqu'ils voient que la grande majorité des gens commettent quelque chose qui est du kouf, il devient alors soi-disant impossible que cet acte soit réellement une cause d'apostasie, car sinon cela implique de rendre des milliers de personnes apostats, et si jamais on doit rendre des milliers de personnes apostats, c'est pas possible. Donc il y en a qui considèrent que le fait que beaucoup de gens soient concernés par une mécréance, cela empêche l'apostasie. Onzièmement, soi-disant, empêcherait l'apostasie l'incapacité d'appliquer à l'apostat les peines d'apostasie. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de l'exécuter et de s'emparer de ses biens, on ne peut pas traiter quelqu'un d'apostat. Et douzièmement, parmi ce qui, soi-disant, empêcherait l'apostasie, c'est le fait d'agir sous les conseils de savants du mal. Donc, soi-disant, pour certains, si jamais tu fais de la grande mécréance parce que ce sont des savants qui l'ont conseillé et que tu as eu bon soupçon sur eux, tu serais, soi-disant, excusé. Et parmi les conditions du takfir inventé, ben c'est tout le contraire de ce qu'on vient de dire. Donc, soi-disant, parmi les conditions, il faut être en situation de force, il faut croire en la permission de l'acte commis, donc l'istihlal, il faut avoir l'intention de devenir mécréant en commettant une mécréance, il faut commettre la mécréance sérieusement, avec conviction de ce que l'on fait, il ne faut pas être un gouverneur, ni un savant, ni un mujahid, il faut être bien élevé et poli, il faut faire la mécréance sans aucun intérêt. Il faut que ce soit un savant qui prononce l'apostasie sur la personne et non n'importe quel musulman. Il faut avoir une mauvaise intention. Il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui soient concernés par cette apostasie. Il faut être capable d'appliquer la peine de l'apostat. Il faut ne pas agir sur les conseils d'un savant du mal. Il va de soi que ces conditions, aucune de ces conditions et aucun de ces empêchements ne sont valides. Aucune ne repose sur la moindre preuve. Et toutes conditions, c'est-à-dire toutes ces conditions et tous ces empêchements sont des bid'ahs. Des bid'as, et comme vous savez, les bid'as sont de deux degrés, les bid'as qui font sortir de l'islam et les bid'as qui ne font pas sortir de l'islam. Et celui qui prend en considération ces empêchements et ces conditions du takfir, c'est sans aucun doute, au minimum, un égaré. Voilà, donc je propose, étant donné qu'on a clôturé les détails sur les quatre empêchements d'apostasie, je propose d'arrêter le dars maintenant. Ensuite, les prochains dars, on s'occupera de quelques règles. Je vais citer les titres de ces règles que nous verrons dans les prochains cours, jusqu'à la fin de cette série de cours, inshallah. Donc on verra la règle qui dit que la mécréance générale n'implique pas toujours la mécréance individuelle. On verra la règle qui dit que seules les apparences sont prises en compte lorsqu'on juge de la mécréance ou de l'islam de quelqu'un. On verra la règle qui stipule que l'acte ou la parole de la mécréance majeure, l'acte ou la parole de mécréance majeure commise exprès sans contrainte et force est fatalement causée par la mécréance intérieure du cœur. On verra la règle qu'on ne juge pas un musulman apostat pour la conséquence de ses paroles ou de ses actes. On verra la règle qui stipule que ce sont les preuves légales qui sont prises en compte lorsqu'on juge quelqu'un apostat et non pas la conviction de l'accusé. On verra la règle qui stipule que celui qui déclare un musulman mécréant devient mécréant. On verra la règle qui stipule que celui qui ne bannit pas un non-musulman de l'islam ou doute de sa mécréance devient mécréant. Et on verra aussi une fausse règle. C'est la fausse règle comme quoi celui qui adore un autre qu'Allah par ignorance ou par mauvaise compréhension reste musulman s'il se réclame de l'islam jusqu'à ce que sa faute lui soit expliquée. Nous verrons la fausseté de cette règle. Et nous verrons aussi la fausseté de la règle qui dit « Seuls les savants peuvent bannir de l'islam celui qui abandonne l'islam dans le takfir d'une personne précise. » Et ce sera là que sera, inshallah, le dernier à ce sujet. Voilà donc, je finis le cours pour aujourd'hui. Et s'il y a quelques questions, inshallah, et que je suis capable d'apporter une réponse, je vous écoute. Je vous écoute. Moi, c'est ça que je voudrais bien comprendre. Barakallahu fik à tout le monde. Bismillah ar-Rahim. Les péchés qui font sortir de l'islam, c'est le fait de donner un associé à Allah Azza wa Jal. Ou le fait de rejeter ce qu'Allah Azza wa Jal a enseigné par l'intermédiaire de son prophète, alayhi salatu wa salam, après en avoir eu connaissance. Et hormis ces deux choses-là, aucun péché ne fait sortir de l'islam. Sauf qu'il existe divergence entre les savants concernant l'abandon des quatre autres piliers de l'islam. C'est-à-dire celui qui abandonne la salat, ou celui qui abandonne la zakat, ou celui qui abandonne le jeûne du ramadan, ou celui qui abandonne le hajj, alors qu'il en est capable. Pour ces quatre piliers de l'islam, il existe des divergences chez Ahlus Sunnah wal Jama'a sur la mécréance de celui qui donc abandonne l'une de ces choses. Par contre, il n'existe pas de divergence entre Ahlus Sunnah wal Jama'a sur la mécréance de celui qui abandonne toutes ces choses. C'est-à-dire celui qui ne fait ni salat, ni zakat, ni jeûne, ni pèlerinage, il n'est pas musulman d'après les salafs, s'il était capable de le faire. Les exemples de kufr majeur. Donc tu demandes des exemples de kufr majeur. Le kufr akbar, c'est à la base le fait de rejeter ce qu'Allah Azzawajal a dit ou ordonné. Soit tu le rejettes par démenti, soit tu le rejettes par refus. C'est un des deux. Il y a cinq catégories de mécréances majeures qu'on avait vues dans la définition du kufr, comme l'ont classé les ulama. Et c'est un classement, ce n'est pas... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces formes-là, mais ce sont les formes principales de kufr akbar. Soit c'est le fait de démentir Allah Azza wa Jal ou son messager. C'est-à-dire tu sais qu'Allah Azza wa Jal, ou tu sais que le Coran stipule telle ou telle chose, ou que le prophète alayhi salatu wa salam a dit telle ou telle chose, et puis tu dis non, c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai, c'est faux. Sur quoi que ce soit, après que tu aies su que cela vienne d'Allah ou que cela vienne du Coran ou du prophète alayhi salatu wa salam. Si par exemple tu sais que le prophète alayhi salatu wa salam a dit quelque chose, mais que tu dis non, ce qu'il a dit là c'est pas vrai, Allah ne veut pas ça par exemple, ou Allah n'a pas dit ça, le prophète alayhi salatu wa salam il a menti, dans ce cas là tu es un mécréant. Bien si tu dis le prophète alayhi salatu wa salam s'est trompé, tu es un mécréant car tu as rejeté la vérité lorsqu'elle t'est parvenue. Ça c'est le démenti. Ou alors, la deuxième forme de mécréance, c'est le refus et l'orgueil. C'est-à-dire, le refus et l'orgueil, cela concerne celui qui sait qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné une chose, ou que le prophète alayhi salatu wa sallam a ordonné une chose, et il sait que c'est vrai, mais il refuse, par orgueil, de s'y soumettre. Il dit, je ne ferai jamais ça. Non, ça je le fais pas, je n'ai pas envie de faire ça. Ça, je l'accepte pas. Il ne l'accepte pas. Celui-là, c'est un mécréant. Contrairement à celui qui accepte de le faire, mais qui n'y arrive pas par faiblesse. C'est trop dur. Il veut le faire, il aimerait bien le faire, mais c'est trop dur pour lui. Ça, si jamais ça concerne autre chose que l'abandon du shirk ou la pratique du tawhid, celui-là, évidemment, il n'est en aucun cas musulman s'il n'abandonne pas le shirk ou s'il ne pratique pas le tawhid. Mais celui qui abandonne le shirk et pratique le tawhid, mais qui lui arrive, alors si jamais c'est le refus de porter la barbe par peur de la réaction des gens tout en ayant envie de la porter, ceci n'est pas un refus qui fait sortir de l'islam, car ce refus n'est pas causé sur le fait que tu n'as pas accepté l'ordre d'Allah Azza wa Jal, mais c'est causé sur le fait que tu n'arrives pas à affronter les gens, et ceci est sans aucun doute un péché. Évidemment c'est un péché, C'est un péché, mais ce n'est pas du shirk akbar. Tu vois? Mais tu es obligé de la porter, ça c'est sûr, même par peur des gens. Mais par contre, s'il y a réellement un risque, si tu la portes, tu vas te faire virer de ta maison et tout ça, là évidemment, il y a la règle qui dit ad-darura turfa' al-mahzura, c'est-à-dire la nécessité lève l'interdiction. D'accord ? Si jamais il y a vraiment, tu es vraiment dans une situation dangereuse, ou si jamais tu te laisses pousser la barbe, tu peux te retrouver à la rue et des choses comme ça, il va de soi que, ici, il te sera permis évidemment de ne pas montrer cela. Il faut donc faire la différence entre ne pas obéir physiquement à Allah Azza wa Jalla et son messager dans autre chose que l'abandon du shirk et la pratique du tawhid, en ayant accepté d'y obéir, mais en n'arrivant pas à le faire parce qu'on n'a pas la force, soit de la volonté n'est pas assez forte pour le faire. Et entre celui qui, à la base, n'a pas envie du tout d'y obéir, n'a pas accepté d'y obéir, ou n'aime pas y obéir. Celui-là, c'est un mécréant, c'est une mécréance majeure, il a rejeté la vérité. Troisièmement, c'est le doute, c'est le fait de douter, c'est-à-dire le fait de savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a dit une chose, de savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné quelque chose, mais tu en doutes. Tu dis, je sais pas, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Et tu sais que le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Par contre, si tu ne sais pas si le prophète alayhi salatu wassalam l'a vraiment dit ou non, ça, ce n'est pas ça le doute qui fait sortir de l'islam. Par exemple, tu n'es pas sûr que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de porter la barbe, ça, c'est pas une mécréance. Mais par contre, si tu sais que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de porter la barbe, mais tu dis, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien de porter la barbe, je sais pas si Allah le veut ou pas, tu en doutes, ça c'est de la mécréance. Parce que même si tu n'as pas démenti le prophète, tu n'as pas non plus considéré qu'il a dit la vérité. Et tu ne peux pas être musulman tant que tu ne considères pas que le prophète a dit la vérité. Même si tu n'as pas dit le prophète a menti, tu n'as pas dit non plus qu'il a dit la vérité, et ça suffit pour te faire sortir de l'islam. Quatrièmement, le détournement, le fait de se détourner de la religion d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire le fait de ne pas s'intéresser à ce qu'Allah a interdit, à ce qu'Allah a ordonné, de ne pas s'y intéresser du tout. Se détourner du tawhid, ou se détourner des cinq piliers de l'islam, ne pas s'intéresser à savoir ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de toi, c'est-à-dire ne pas chercher à savoir qu'est-ce qu'Allah t'a interdit ou qu'est-ce qu'Allah t'a ordonné. Tu t'en fiches, tu dis, je sais pas, ça m'intéresse pas. Ça, celui-là, c'est un mécréant lui aussi. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ أَظْلَمُ عَفْوًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Et ceux qui ont mécru se détournent de ce dont on les a avertis. Et cinquièmement, le nifaq. Le nifaq, c'est le fait donc de faire semblant de croire en Allah et en son messager, mais intérieurement, tu n'y crois pas. Soit tu doutes, soit tu démens, tu dis c'est pas vrai, soit tu dis je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, soit tu le détestes, tu détestes ce qu'Allah et son messager t'ont enseigné, tu trouves que c'est injuste, que ça n'a pas de valeur, que c'est méprisable, etc. Mais d'y croire pour obtenir quelque chose de mondain ou autre, ça c'est une mécréance aussi. C'est le nifar et c'est la pire mécréance. Pour que j'ai répondu à ta question, Inch'Allah, j'espère avoir suffisamment répondu. Wallahu a'lam. Pour la question, est-ce que les gouvernements sont sous la contrainte ? Celui qui voit comment sont les gouverneurs et qui sait ce que c'est la contrainte, il connaît la réponse. Sans plus. J'ai pas autre chose à dire. Et puis, la contrainte aussi, lorsqu'on te contraint à faire du mal à un autre musulman, ou lorsqu'on te contraint à... et puis la contrainte, comme on l'a dit, la peur de la guerre et tout ça, la peur des mécréants, la peur de la guerre avec eux, c'est pas une contrainte, et on a des preuves dans le... Et à ce sujet, je vous rappelle un magnifique ouvrage de l'imam Sulayman Allah ibn Muhammad ibn Abdel Wahhab. Cet ouvrage est vraiment excellent pour lire, à vous tous, au sujet justement du fait de faire de la mécréance par peur des idolâtres et tout ça, par peur des mouchrikoun. L'ouvrage, donc, c'est Al-Dala'il fi hukm mawalati ahl al-ishrak, c'est-à-dire les preuves du statut de l'alliance avec les mouchrikoun, avec les idolâtres. Je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent aller le lire. Et il va de soi que dedans, donc, le cheikh y aura expliqué que à la base, Allah Azzajal en a parlé dans Surat Al-Ma'idah, ils avaient rejoint les juifs et les chrétiens parce qu'ils avaient des conséquences qu'ils pourraient avoir. Allah Azzajal a dit: فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعفى الله أن يأتي بالفتح يصبحوا على نادمين. C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla a dit à leur sujet, donc dans Surat Al-Ma'idah verset 52, il a dit: tu verras d'ailleurs que ceux qui ont une maladie dans le cœur se précipitent vers eux, c'est-à-dire vers les mécréants, et ils disent: nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe, mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui, alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et Allah Azza wa Jalla a dit: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ إِسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. C'est-à-dire: et ils ne cesseront de vous combattre, donc les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce que s'ils le peuvent vous faire apostasier de votre religion, apostasier de sa religion et meurt mécréant, celui-là, ses œuvres seront anéanties dans ici-bas et dans l'au-delà, et leur demeure sera l'enfer. Ça, c'est où Allah Azza wa Jalla a annoncé: celui qui, après avoir été combattu par les mécréants, apostasie de sa religion, il ne sera pas pardonné. Alors que penses-tu de ceux qui, donc ces gouverneurs, qui n'ont même pas encore été combattus, qui apostasient de leur religion sans même avoir été combattus, et au contraire qui font des cocktails avec les gouverneurs américains, avec les gouverneurs et les gouvernements européens, qui s'allient avec eux, qui appliquent leurs lois, qui adhèrent à leur assemblée. Où est la contrainte là-dedans? La contrainte, ça ressemble plutôt, on avait dit, à la torture insupportable, où on t'ampute, où on te coupe des membres du corps, ou bien quand on te tue. La torture, c'est pas qu'on te demande de venir à une réception pour aller picoler toute la soirée et manger du caviar. C'est pas ça la contrainte. Et la contrainte, c'est pas non plus de te faire offrir une villa et plusieurs millions de je ne sais pas combien de rial par mois, comme le reçoivent du mal. Ce n'est pas non plus devenir vizir du savant du mal, gouvernement, pardon, ce n'est pas non plus devenir un vizir du gouvernement et d'être habillé dans des beaux atours. En fait, il veut être musulman, mais il ne le fait pas parce qu'il est sous la contrainte. Et si on va comme ça, en fait, qui est-ce que je vais juger mécréant au bout du compte? En fait, tu juges personne mécréant. À la base, quand quelqu'un est contraint, tu dois avoir un dalil sur ça. Tu dois avoir une preuve que cette personne est contrainte, et c'est pas le contraire. Tu ne dois pas amener ta preuve qu'elle n'est pas. Sinon, tu vas jamais faire le takfir de qui que ce soit, ça c'est sûr et certain. Tu peux imaginer des choses aussi, hein, d'accord? George Bush aussi, on va se dire, ses gouverneurs ils sont peut-être contraints. George Bush aussi, il est peut-être contraint. Kennedy il s'est fait assassiner quand il n'a pas fait ce qu'on a voulu qu'il faisait. Hein, c'est pas, je veux dire, il peut avoir peur de se faire assassiner. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être aussi qu'en fait il veut se convertir à l'islam, mais on lui dit si tu te convertis à l'islam et que tu refuses d'être président, on va t'exécuter. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est possible aussi. Hein? Est-ce qu'on va dire non, George Bush, en fait, on ne sait pas, peut-être. Faut pas imaginer des choses incroyables comme ça. Il faut pas se mettre à imaginer des choses qui sont complètement abracadabrantesques. La contrainte, alhamdulillah, elle a été définie dans le Coran et la Sunna. C'est ce qui est arrivé à Ammar ibn Yasir. Il s'est fait torturer. Et avant de se faire torturer, il a vu ses parents se faire torturer à mort. Et c'est là qu'il a prononcé ce qu'il a prononcé. Wa Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullah.